Chapitre 37e. Dans la soirée du jour où le colonel Chamberlain avait été transféré de Mazas à Sainte-Pélagie, deux hommes étaient venus arrêter et occuper une chambre dans une maison meublée de la rue du Puy de l'Ermite qui se trouve en face de l'entrée de la prison. Ils avaient voulu une chambre au premier étage avec fenêtre sur la rue. L'un de ces hommes marchait en se soutenant sur des béquilles, l'autre était boiteux et manchot. Assurément, ce n'était point des réfractaires se cachant pour échapper au service de la garde nationale. Qu'en eût-on fait? À eux deux, ils ne valaient pas un homme. Celui qui marchait avec des béquilles ne sortait jamais, et pendant toute la journée, il restait assis devant sa fenêtre, les yeux fixés sur la porte de la prison, examinant curieusement les entrées et les sorties, et paraissant prendre intérêt à ce qu'il entendait, en tout cas aussi attentif des yeux que des oreilles. Pendant ce temps, le manchot sortait. Ils n'en recevaient aucune visite, et personne dans le quartier ne les connaissait. Tout d'abord, le propriétaire de la maison avait cru qu'il logeait des gens qui avaient des amis ou des parents emprisonnés. Mais il avait bientôt abandonné cette idée, car jamais ni l'un ni l'autre n'avait pénétré dans la prison et n'avait demandé de renseignements sur les prisonniers ou surveillants qui venaient boire dans le débit de vin établi au rez-de-chaussée. Si le locataire aux béquilles paraissait attentif à ce qui se passait devant la porte de la prison, c'était pour se distraire, ce qui, après tout, était bien naturel chez un homme qui ne pouvait pas quitter sa chaise. Cependant, en examinant plus soigneusement l'homme aux béquilles, on eût pu voir qu'il échangeait des signes avec un beau nègre qui venait tous les matins à la prison et aussi avec un surveillant toutes les fois que celui-ci sortait. Mais pour cela, il eût fallu se tenir en observation à la porte même de Sainte-Pélagie, ce qui n'était pas le cas du propriétaire de la maison meublée. D'ailleurs, ayant touché son loyer d'avance, il n'avait pas à s'inquiéter de ce que faisaient ou ne faisaient point ses locataires. L'homme aux béquilles était Michel. Le manchot était Denisot. Le beau nègre qui venait tous les matins à la prison était Horace. Quant au surveillant qui échangeait des signes avec Michel, c'était tout simplement un gardien qui, moyennant la promesse d'une belle récompense, s'était engagé à soigner le colonel et à lui ouvrir la porte de sa cellule le jour où éclaterait le danger d'un massacre. C'était en prévision de ce danger que Michel était venu se loger en face Sainte-Pélagie. Dans ces conditions, il pourrait pénétrer dans la prison en même temps que la foule qui l'envahirait, courir au colonel, le protéger, lui donner des armes et sans doute le sauver. De là, l'active surveillance qu'il exerçait sur la grande porte de la prison afin de ne pas se laisser surprendre. Quant à penser qu'on pouvait exécuter un otage régulièrement, judiciairement pour ainsi dire, il n'en avait pas même eu l'idée. Pour lui, un massacre populaire était possible, mais une exécution isolée ne l'était pas. Or, ce massacre ne se produirait pas spontanément. Il serait préparé par quelque catastrophe, il s'annoncerait à l'avance. Il n'y avait donc qu'à faire bonne garde pour n'être pas surpris. Et cette bonne garde, il la faisait. En même temps, il s'entourait de précautions pour cacher sa présence rue du Puy de l'Ermite et ne pas éveiller la défiance de ceux qui pouvaient avoir un intérêt personnel à faire disparaître le colonel. C'était dans ce but qu'il n'avait pas voulu pénétrer dans la prison, et c'était dans ce but aussi que Denisot n'abordait le gardien qui leur avait promis son concours que lorsque celui-ci ne pouvait pas être surveillé. C'était le 15 mai que le colonel avait été transféré à Sainte-Pélagie, et depuis ce jour jusqu'au 22, rien n'était venu avertir Michel que la catastrophe qu'il prévoyait fût proche. Mais ce jour-là, Denisot, sorti le matin, comme à l'ordinaire, rentra peu d'instants après en lui annonçant qu'on disait que les troupes avaient pénétré dans Paris. Cette nouvelle était-elle vraie? Déjà plusieurs fois elle s'était répandue, et bientôt après elle avait été démentie. Ce qui la rendait vraisemblable ce jour-là, c'était la furieuse canonnade que depuis quelques jours on entendait du côté de Vaugirard et d'Auteuil, et qui assurément annonçait une action décisive. Mais la rue du Puy de l'Ermite est bien à 100 lieues d'Auteuil, et l'entrée des troupes françaises était connue en Amérique longtemps avant de l'être dans ce quartier perdu. Cependant, le moment était venu de redoubler de vigilance et de prendre ses précautions. Sous le matelas de son lit, Michel avait un chasse-pot et 3 revolvers. Il sortit ses armes de leur cachette et les chargea à nouveau. Le chasse-pot et 2 revolvers étaient pour lui. Le 3e revolver était pour Denisot, qui de son bon bras pouvait très bien se servir d'un revolver. Tandis qu'il était occupé à emplir ses poches de munitions, on frappa à la porte qui, par précaution, avait été fermée au verrou. Ils se regardèrent avec inquiétude, mais la voix qui leur dit d'ouvrir les rassura, c'était celle d'Horace. La nouvelle de l'entrée des troupes était vraie. Horace avait vu les pantalons rouges. L'armée s'avançait dans Paris, mais elle ne marcherait sans doute que lentement, et serait obligée d'enlever à l'insurrection chaque quartier l'un après l'autre, car les barricades étaient nombreuses et la défense paraissait s'organiser vigoureusement. Il avait eu les plus grandes peines à traverser Paris pour arriver à Sainte-Pélagie. Ce n'avait été qu'après de nombreux détours. Plusieurs fois, il avait été arrêté, et on lui avait mis le fusil à la main pour défendre les barricades près desquelles il avait eu l'imprudence de passer de là le temps qu'il avait mis pour venir, car il était parti la veille au soir de la rue de Courcelles. Ils tinrent une sorte de conseil pour savoir ce qu'il devait faire, et il fut décidé qu'Horace irait comme à l'ordinaire à la prison, afin de prévenir le colonel de l'entrée des troupes, pour que celui-ci pût se tenir sur ses gardes. Sans doute, c'était le jeter dans l'angoisse, mais en tout cas, il valait mieux qu'il fût averti. Horace se présenta donc à la porte de la prison. Mais bien qu'il lui eût laissé passer, elle ne s'ouvrit pas devant lui comme à l'ordinaire. Les anciens laissez-passer avaient été annulés, il fallait en obtenir de nouveaux. Cette mesure ne fit que les confirmer dans leur crainte, il fallait veiller. Denisot alla chercher 2 pains de 4 livres. Ses provisions faites, ils fermèrent leurs persiennes, mais en laissant les fenêtres ouvertes, et l'un d'eux se mit en sentinelle, les yeux attachés sur la porte de la prison. Pendant toute la journée, il eut un grand mouvement d'aller et venu, mais cependant sans rien d'extraordinaire, et il en fut de même pendant toute la journée du lendemain. Mais dans la soirée, ils crurent qu'il s'était laissé surprendre et que l'assassinat du colonel s'était accompli. Entre 10 et 11 heures du soir, il s'était fait un grand mouvement à la porte de la prison, et Denisot, dont c'était en ce moment le tour de garde, les avait éveillés. Un officier qui portait le costume de chef d'escadron d'état-major sortait de la prison en vociférant, criant « Vous n'êtes que des lâches !» À qui s'adressaient ces paroles? Bientôt ils le devinèrent, car ce même officier ne tarda pas à revenir avec une bande de gardes nationaux, dont plusieurs marchaient en titubant, qu'il fit entrer dans la prison, puis la porte se referma. Ils étaient tous trois à la fenêtre, et une même question leur vint aux lèvres. Pourquoi ce renfort? Qu'allait-il se passer? Dans la nuit, on entendait au loin des détonations, et le ciel était rouge comme si Paris brûlait. Comment pénétrer dans la prison et porter secours au colonel? La porte était fermée. Ce n'était pas ce que Michel avait prévu. Évidemment, on venait d'exécuter un prisonnier, et ceux que le chef d'escadron avait appelés des lâches, c'étaient les gardes nationaux du poste, qui n'avaient pas voulu sans doute être les bourreaux de cette exécution. Cette bande a-t-elle un peloton d'exécution? Ils ne sont pas assez nombreux. Pas assez nombreux pour un massacre général, mais bien assez pour l'exécution d'un seul prisonnier. À ce moment, des détonations éclatèrent dans l'intérieur de la prison, suivies, à un court d'intervalle, d'un dernier coup, le coup de grâce. Quelle en avait été la victime? Horace voulait sauter dans la rue, Michel le retint. Que faire contre ces murailles et une porte fermée? Bientôt, mais pour eux ce bientôt fut terriblement long, la porte se rouvrit et la bande qui était entrée sortit dans la rue. « Il est tout de même bien mort, » dit une voix avinée. « Mort? Qui était mort? Pourquoi qu'il a fait tirer sur le peuple le 31 octobre ?» dit un autre. « Tant pis pour lui. » Ce n'était pas le colonel qui avait fait tirer sur le peuple au 31 octobre. Ils respirèrent, car ils étaient dans un de ces moments où l'on ne pense pas aux autres. Ce n'était pas le colonel qu'on venait d'assassiner, pour eux tout était là. Cependant, ils ne se rendormirent point. Michel, qui avait cru son plan excellent, reconnaissait par cette expérience combien au contraire il était défectueux. Sans doute, le massacre des prisonniers pourrait se faire par une troupe qui envahirait la prison, et au milieu de laquelle on pourrait se faufiler. Mais il pouvait se faire aussi par une petite bande qui n'exécuterait que quelques prisonniers. Pendant toute la nuit, Michel chercha par quels moyens son plan pouvait être amélioré, mais il n'en trouva point. Au petit jour, le bruit de la bataille recommença, les enveloppant de tous les côtés, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Quelle en était l'issue? C'était ce qu'il ne savait pas d'une manière certaine. Dans le débit de vin où Denisot descendait quelquefois pour avoir des nouvelles, les uns disaient que tout allait bien, d'autres au contraire disaient que tout était perdu pour la commune. Quant à eux, ils n'avaient pour se guider dans leurs appréciations que le bruit des détonations des canons et des mitrailleuses. Dans l'ouest et dans le sud, ces détonations se rapprochaient sensiblement et le moment semblait proche où l'armée allait arriver. Des gens qui, les jours précédents, portaient superbement l'uniforme de la garde nationale, se montraient maintenant avec des vêtements de travail. C'était encore là un indice qui avait son importance. Cependant, si l'armée se rapprochait, elle n'arrivait pas, et dans l'est comme dans le nord, la canonnade se faisait entendre toujours dans les mêmes directions et aux mêmes distances. La prison continuait d'être calme, et le surveillant leur avait fait le signal convenu pour dire que le colonel allait bien. Ils commencèrent à se rassurer et à croire que les prisonniers n'avaient plus rien à craindre lorsqu'une petite troupe de gardes nationaux parut au bout de la rue du Puy de l'Ermite. Elle était étrangement composée, cette troupe, des gamins, des vieillards ravinés, deux femmes, le chassepot en bandoulière et seulement trois ou quatre vrais gardes nationaux. C'était Michel qui se tenait en ce moment à la fenêtre. Vivement, il entrebâilla la persienne pour mieux voir au loin. En tête de la troupe, marchaient deux officiers au képi galonné. L'un, grand de taille et large d'épaule, était l'homme qui avait tiré les coups de revolver de Saint-Cloud. L'autre était Anatole, chaussé de bottes de théâtre. Au mouvement qu'avait fait Michel, Horace et Denisot, dont l'attention avait d'ailleurs été éveillée par le bruit des pas, s'approchèrent de la fenêtre. « Anatole, s'écria Denisot, donne-moi mon chassepot, dit Michel. Vas-tu le tuer? Pas lui, mais le fourrier. » Le plan de Michel était en effet de tuer le fourrier au moment où celui-ci ferait entrer sa troupe dans la prison. Car il n'y avait pas de doute possible, c'était bien pour assassiner le colonel que cette troupe arrivait. « Chacun à sa fenêtre, commanda Michel, et ne tirez pas avant qu'on attaque notre maison. Surtout qu'on ne tue pas Anatole. Une fois le fourrier mort, Anatole ne sera plus à craindre. » Pendant que ces quelques paroles s'échangeaient rapidement à mi-voix, la troupe était arrivée devant la prison. « Halte ! Commanda le fourrier, et que personne ne s'éloigne. Je reviens tout de suite avec le prisonnier. » La troupe n'allait donc pas entrer dans la prison. Le plan de Michel fut encore une fois modifié. Si le fourrier devait revenir avec le prisonnier, il ne fallait pas le tuer tout de suite, car une fois le colonel sorti pour le transférer dans une autre prison sans doute, il avait des chances pour le sauver. « Ne tirez pas !» dit Michel à voix basse. Au lieu d'entrer dans la prison, le fourrier, prenant Anatole par le bras, s'était rapproché de la maison dans laquelle Michel, Horace et Denisot se tenaient embusqués. « Décidément, tu ne veux pas entrer avec moi, ma belle ?» dit le fourrier. « Non !» répondit Anatole d'une voix qui tremblait. « Je vais à la roquette, tu me rejoindras. »« Quelle poule tu fais ? Mais tu sais, une belle poule !» Il se mit à rire de sa plaisanterie. « Tu sais que quand je te rejoindrai, l'affaire sera faite, et tu seras roi de Paris. » Anatole s'éloigna à grands pas, en portant ses deux mains sur ses oreilles, comme s'il avait peur d'entendre, et sans se retourner, comme s'il avait peur de voir. Débarrassé de son ami, le fourrier s'était retourné vers sa troupe, et sur ses trois gardes nationaux, il en avait pris deux. Les précédents, il entre avec eux dans la prison. Horace occupait une fenêtre, Michel et Denisot occupaient l'autre. « J'en connais un !» dit Denisot, se haussant jusqu'à l'oreille de Michel. « Qui ?»« Crépin, le grand, qui est à la porte. »« Eh bien, va vite le trouver !» « Fais-le parler, s'il sait quelque chose. Le fourrier ne doit pas te connaître, il peut donc te voir. » Denisot dégringola rapidement l'escalier, et le virent se diriger vers Crépin. Il marchait comme s'il avait été ivre. « Tiens, c'est Crépin, » dit-il. « Bonjour, Crépin. Qu'est-ce que tu fais là donc, Crépin ?»« Tu vois, nous venons chercher un prisonnier pour le transférer à la roquette, où on le va le flingoter. Tiens, qu'est-ce qu'il a donc fait ? Ah, je sais pas. » « Eh bien, je vais aller avec vous autres. Je vais voir ça. »« Si ça te dit. »« Mais oui, ça me dit. Seulement, tu sais, j'ai pas de flingot. » Denisot avait parlé haut pour que Michel et Horace l'entendissent. Il était évident que Denisot, au milieu de la bande, pouvait être utile. Il n'y avait qu'à s'en reporter à lui. En tout cas, le colonel, prévenu qu'on veillait sur lui, se tiendrait sur ses gardes. Michel appela Horace près de lui. « Nous allons les laisser emmener le colonel, dit-il. En route, nous tombons dessus. » « Nous avons à nous deux une vingtaine de coups de revolver à tirer. Nous en viendrons à bout. »« Oui, oui, bataille, » dit Horace. « Denisot, de son côté, nous aidera. Il est aux mains brûlées la cervelle au fourrier à bout portant. » La porte de la prison s'ouvrit et le colonel parut. Ses bras étaient attachés avec une cordelette. Il était flanqué de chaque côté d'un garde national. Derrière lui marchait le fourrier, son sabre de commandant à la main. Enfin, à une courte distance, venait le gardien, qui levait les bras d'un air désespéré. « À vos rangs !» commanda le fourrier. La troupe se groupa autour du prisonnier qui, en apercevant Denisot, avait laissé échapper un mouvement de surprise et de joie. Le fourrier avait vu aussi Denisot et il alla à lui. « Qu'est-ce que vous faites là, vous ? » dit-il durement. « Je suis avec mon ami Crépin, » reprit Denisot, de plus en plus ivre. « Oui, » dit celui-ci, « c'est mon ami, c'est un bon. » « Eh bien alors, filez votre chemin. »« Mon chemin, c'est d'aller à la roquette. J'y vais avec mon ami Crépin. » Le fourrier le regarda un moment, puis haussa les épaules, comme un homme qui se dit qu'il n'a rien à craindre d'un pareil invalide. « Descendons, » dit Michel à Horace. « Pourrez-vous marcher ? » ?»« Je l'espère. D'ailleurs, nous n'irons pas bien loin. » Quand ils arrivèrent dans la rue, la bande qui emmenait le colonel venait de se mettre en marche, descendant la rue du Puy de l'Ermite. « Appuyez-vous sur moi, » dit Horace à Michel. « Vous vous fatiguerez moins. » La bande, heureusement, ne marchait pas vite. Après avoir descendu dans la rue du Puy de l'Ermite, elle tourna à droite, s'engageant dans un dédale de petites ruelles qui se trouvent derrière la Pitié. Ces ruelles, en tout temps peu fréquentées, étaient en ce moment désertes. C'était là que Michel devait tenter de délivrer le colonel, car une fois arrivé à la rue de Buffon et au pont d'Austerlitz, il serait entouré par la foule, et ce n'était pas sur la foule que Michel comptait pour cette délivrance, bien au contraire. Mais au lieu de tourner pour descendre la rue d'Aubenton, le fourrier la remonta. Il n'allait donc pas à la roquette, comme Crépin l'avait dit, ou bien alors il voulait prendre le pont de Bercy. Pourquoi ce détour ? Voulait-il fusiller son prisonnier en route ? Quand je te rejoindrai, l'affaire sera faite, avait-il dit à Anatole. Précisément, ils arrivaient dans une rue bordée de longs murs et dans laquelle il n'y avait en ce moment personne. Attends-nous, dit Michel. Et ils se rapprochèrent un peu de la bande. Justement, en ce moment même, elle s'arrêta et le fourrier, se plaçant devant elle, lui adressa la parole. Que disait-il ? Ils n'entendirent point. Mais ils n'avaient pas besoin d'entendre, ils voyaient. On avait poussé le colonel vers le mur. « Courez et tombez dessus !» commanda Michel, s'adressant à Horace. Pour lui, au lieu de courir, il se mit dans l'embrasure d'une porte et, épaulant son fusil, il visa le fourrier. Le coup parti, le fourrier tomba en avant, les bras étendus. En même temps, 5 ou 6 coups de revolver retentirent. C'était Denisot, puis Horace, qui se jetaient dans la lutte. Elle ne fut pas longue. Quand Michel arriva sur le lieu du combat, le colonel, Horace, Denisot et son ami Crépin était seul au milieu de la rue. La troupe s'était sauvée, et à côté du fourrier étendu la tête dans la poussière, gisaient les 2 gardes nationaux qui avaient voulu se défendre. Michel marcha au colonel, dont les cordes avaient été coupées. « Ma dette de Saint-Cloud est payée, » dit-il en lui tendant la main. « Maintenant, ne restons pas ici, la place est mauvaise. » Mais si cette place était mauvaise, où était la bonne ? Cela était assez difficile à dire. Tout autour d'eux, on se battait. Il fallait se replier du côté de l'armée, mais sans se laisser mettre entre 2 feux et surtout sans se faire prendre par les gens de la commune. Autant qu'on en pouvait juger par le bruit de la bataille, le Panthéon, la Glacière et la Halle aux Vins étaient aux mains de l'armée, les Gobelins, la Maison Blanche, la Bastille, Bercy appartenaient à l'insurrection. Le ciel était noir de fumée, Paris brûlait. « Que faut-il faire ? » demanda le colonel, s'adressant à Michel. « Commandez !» L'avis de Michel fut de se diriger vers le Panthéon et de tâcher de trouver une maison dans laquelle ils attendraient l'arrivée des troupes. Ils se mirent en route, Michel s'appuyant sur le bras d'Horace. Mais ils ne purent pas aller bien loin. À la façon dont on les regardait, il était certain qu'ils allaient se faire arrêter. Une maison en construction et bien entendu abandonnée se trouvait à une courte distance. Ils se dirigèrent vers elle et descendirent dans les caves. « Maintenant, que personne ne parle !» commanda Michel. La nuit vint, ils la passèrent dans cette cave. Le matin, de bonne heure, la fusillade reprit et se rapprocha rapidement. L'armée avançait, bientôt elle arriva. Ils sortirent de leur cave, mais ils n'avaient pas fait 2 pas dans la rue qu'ils furent enveloppés avec 2 grands cris. « Au mur !» crièrent quelques voix. Des soldats leur sentaient les mains. D'autres tiraient leurs habits et leurs chemises pour voir si le fusil n'avait pas laissé des traces rouges à l'épaule sur laquelle on appuie pour tirer. Cependant, le colonel protestait vigoureusement, disant qu'il était un prisonnier échappé de Sainte-Pélagie et que ses compagnons l'avaient délivré. Un officier arriva. « Eh bien, on va vous y conduire à Sainte-Pélagie. Et si ce que vous dites n'est pas vrai, vous serez aussi bien fusillé là-bas qu'ici, en route. » Mais à Sainte-Pélagie, il ne fut plus question de fusillade. La prison venait d'être occupée par les troupes et les premières personnes que le colonel aperçut furent Thérèse et Antoine en compagnie de Gaston de Pontperran. Quelle joie ! À la nouvelle de l'entrée des troupes, Thérèse et son père avaient quitté Versailles à pied pour venir à Sainte-Pélagie, mais ils avaient été arrêtés au Panthéon par les fédérés et délivrés par l'armée. Ils arrivaient à l'instant même. « C'est à Michel que je dois la vie, » dit le colonel, répondant à leurs questions précipitées. « Sans lui, je serais fusillé. »« Eh bien, et moi ?» s'écria Denisot. « Je n'ai donc rien fait. »